Fable de Maître Garcia, qu'en cet instant je compte, vous narre l'avatar d'un cloutier à son compte qui vient de s'installer au cœur du Vatican pour y faire négoce de clous petits et grands. Pour enseigne des chopes, il appose une croix ornée d'un Jésus planté là depuis des mois. Au-dessus trône un slogan inédit, Clou Garcia 2000 ans de garantie. La chapelle Sixtine est écorchée à vif. On ne fait pas commerce de l'image du Christ. Un évêque zélé du souverain pontife prescrit aux détaillants d'ôter le crucifix. Mais celui-ci s'exécute pour ici tuer un nouveau Jésus-Christ, une seule main clouée. Saluons les fidèles de l'autre bras. Devinez dans quelle main il y a un clou Garcia. Les clous Garcia, les clous Garcia. Avec les clous Garcia, les clous Garcia, les clous Garcia. Devinez dans quelle main il y a un clou Garcia. Oui, cette fois c'en est trop, le pape est indigné. Lui-même rend visite aux commerçants bornés. Lui somme avec vigueur d'oublier Jésus et de trouver formule un peu moins farfelue. Mais Garcia contre cœur s'exécute, bute le lendemain, place une croix de du culte et lui appose ce message au-dessus. Avec des clous Garcia il n'aurait pas, avec des clous Garcia il n'aurait pas, avec des clous Garcia il n'aurait pas disparu. Hey! Avec des clous Garcia, il n'aurait pas disparu.